sonne pas le micro. Donc là c'est bon. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد toujours dans la continuation du livre de Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, Hafidahullahu Ta'ala, qui consiste en l'explication du livre de Cheikh Nasser Din Albani, Rahimahullahu Ta'ala, qui est intitulé « La description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais, du tekbir au teslim ». Et on est arrivé au chapitre qui se consacre à l'étude de « Al-Fath ala l'imam ». دوك قال المصنف رحمه الله وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الفتح على الإمام والسنة عليه الصلاة والسلام الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي دوك c'est un nouveau chapitre. Et l'auteur, comme je l'ai dit, qui est Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Mohamed Nasser Din Albani, rahimahullah, il dit souffler à l'imam pour lui rappeler ce qu'on appelle en arabe Al-Fathu ala l'imam. Al-Fathu ala l'imam. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit c'est une sunna prescrite par le prophète, alayhi salatu wassalam, que de rappeler à l'imam ce qu'il a pu oublier de sa récitation. En effet, une fois lors d'une prière, il, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est arrêté dans sa récitation et n'a pas su continuer. Après la prière, il a dit à Ubay, radiallahu anhu ardah, as-tu prié avec nous? Il lui répondit que oui. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de me rappeler la suite? Et de me rappeler la suite, c'est entre parenthèses. Mais là-dessus, on a de l'explication de Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, Hafidahullah Ta'ala. Il dit, « Ma'na al-fath ala l'imam, an yarda alihi idha akhta'a, wal tabasat alihi l'qira'a, bi an yadhkura lahu s-sawab athna s-salah. » Bi an yadhkura lahu s-sawab athna s-salah. Donc l'explication de Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, Hafidahullah, sur ce point-là, le fait de ce qu'on appelle en arabe « al-fath ala l'imam », c'est-à-dire de corriger l'imam ou de lui rappeler, il dit le sens de « al-fath ala l'imam », eh bien, c'est de corriger l'imam s'il se trompe ou s'il ne peut pas continuer en lui rappelant ce qui est correct pendant la prière. Et avec ça, on a fini donc ce petit chapitre et on entre dans un nouveau chapitre directement qui a pour titre d'ailleurs الاستعادة والتفلو في الصلاة لدفع الوسوسة. On va voir qu'est-ce que ça veut dire التفل. الاستعادة, vous connaissez déjà, c'est le fait de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est طلب العوض, en arabe. عليكم السلام. فقال شيخنا نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبس علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب ف فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Nouveau chapitre donc de l'auteur qui est Cheikh l'Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: chercher protection auprès d'Allah, ce qu'on appelle at-ta'awudh, et cracher faiblement, et on va voir ce que ça veut dire at-tafl dans la langue arabe, inshallah, pour chasser les tentations de Satan. Eh bien, Uthman ibn Abi al-As, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah. Et s'il y a des sœurs à l'arrière, je demande qu'elles confirment qu'il y ait bien du son. En envoyant quelqu'un ou hein, en envoyant peut-être un message au mahram, etc. Ô messager d'Allah, le diable m'a empêché de prier et de réciter convenablement. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: c'est un diable qu'on appelle Khinzab. Si tu sens sa présence, cherche protection contre lui auprès d'Allah. Et crache faiblement, ce qu'on appelle tafl, qui vient de la langue arabe, tafala, comme on va le voir dans un instant, inshallah. Crache faiblement, hein, on peut dire même un autre mot en français qui est souvent utilisé, c'est crachoter, hein, d'accord ? C'est sur ta gauche trois fois. Uthman ibn Abi al-As a dit ensuite: je l'ai fait, et Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné ce diable de moi. Alors maintenant, on a l'explication de Cheikh Bezmoul sur ce point-là. Il dit, hafidhahullah ta'ala, التفل نفخ الهواء من الفم مع الشيء من الريق والنفث دون التفل وهو النفخ وهو نفخ الهواء من الفم. انظر النهايه لابن الاثير رحمه الله. Donc Cheikh Bezmoul, il dit que التفل, c'est quoi? Eh bien, c'est de souffler, de faire sortir de l'air de la bouche avec un peu de salive. D'accord? Tandis que النفث, eh bien, c'est moindre que التفل. C'est de faire sortir de l'air de la bouche. Tandis qu'on a dit quoi? Tafl, c'est de faire sortir de l'air de la bouche, de souffler, mais avec un petit peu de salive. Voir Nihayatou ibn al-Athir, et il donne une référence ici, parce que lui, apparemment, il est en plusieurs volumes. C'est volume 5, page 197. Pour les frères comme moi qui l'ont en un volume, eh bien, regardez Tafala, d'accord? D'ailleurs, le tafl, comme on a dit, ça vient du verbe arabe tafala, tandis que nafath ou nafthu, c'est de nafatha. On entre directement dans l'explication de Cheikh Bezmoul quand il rapporte maintenant le résumé que Cheikh l'Albani lui-même il a fait des derniers paragraphes, des derniers chapitres qu'on étudie ensemble. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Bezmoul, lakhas al-musannifu ma taqaddama bi qawlihi في تخليص صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'Albani évidemment, a résumé ce qui a précédé dans ce résumé de la description de la prière du prophète عليه الصلاة والسلام en disant. Puis il rapporte quelques points, ils sont au nombre de deux. Il dit: أولا والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرف حرف ويزين القراءة بصوت القرآن عفوا بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغنى به على ألحان على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. Donc c'est quoi ce premier point qu'on prend du résumé de Cheikh l'Albani des chapitres qui ont précédé? Eh bien c'est quoi? C'est que la sunna, c'est de réciter le Coran lentement et clairement. Ce qu'on appelait dans un des cours précédents, c'était quoi? At-tartil. Sans hâte ni empressement, mais au contraire, chaque lettre est prononcée clairement. Et d'embellir la voix lors de cette récitation. Ce qu'on appelait « At-taghanni bil-Qur'an ». C'est-à-dire de psalmodier cette récitation dans les limites, attention ici, des règles connues chez les gens de la science du Tejouïd. Et de ne pas psalmodier selon les airs innovés, hein, les mélodies innovées, ni selon les codes musicaux. Deuxième point qu'on tire de ce résumé, eh bien, il dit Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, en citant Cheikh l'Albani bien sûr, وَيُشْرَعُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَتَقَصَّدَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاءَةِ. انتهى كلام Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. Deuxième point donc tiré de ce résumé, c'est quoi? Il est résumé, il est légiféré pardon, à celui qui prie derrière l'imam, hein? Et ici il a utilisé un mot qui veut dire al muqtadi. C'est quoi le muqtadi? C'est littéralement celui qui prend exemple sur l'imam. De le corriger intentionnellement s'il s'embrouille dans la lecture. Ce qu'on appelle en arabe quoi? Al-fathu ala l'imam. Fin des citations de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Maintenant, on rentre dans un chapitre qui est plus long et qui va nous prendre jusqu'à la fin de la leçon, inshallah. Et qui est... Al-ruku'a. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبير الافتتاح وكبر وركع وأمر بهما المصيء صلاته أو صلاته فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث. Donc dans ce chapitre, Cheikh Al-Albani rahimahullah, et on va voir plus en détail dans ce qui suit, il dit rahimahullah, puis il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait sa récitation, sa lecture, se taisait un instant. Il gardait le silence. Puis il levait ses mains, des manières qu'on l'a vu précédemment, dans le tekbir d'ouverture, faisait le tekbir et puis s'inclinait, faisait le ruku'. Et il a ordonné ces deux choses à celui qui faisait mal sa prière. C'est le fameux hadith qu'on a vu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé quelqu'un. Et il lui a montré comment prier en détail. Donc, il est connu selon le titre en français du hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Et il lui a dit, jusqu'à la fin du hadith, on va voir ça plus en détail, inshallah. Puis il rapporte un autre chapitre qui s'appelle Sifatul Ruku'a. Wa kana alayhi salatu wassalam yada'u kaffayhi ala rukbatihi. Wa kana ya'muruhum bidhalik. Wa amara bihi aydan al-musi' salatahu kama amara anifa. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatihi. كأنه قابض عليهما وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المصي صلاته فقال له إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وقال لمصي صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامضم ظهرك ومكن لركوعك وكان لا يصب رأسه ولا يقنع أو لا يقنع ولكن بين ذلك Donc Cheikh Al-Albani qui est l'auteur du livre rahimahullah de base que Cheikh Bazmoul explique, il dit un nouveau chapitre, la manière de faire le ruku', l'inclinaison. Ce qu'on a appelé en arabe, sifat al-ruku'. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, mettait ses paumes de main sur ses genoux et ordonnait aux compagnons d'en faire autant. Il l'a également ordonné à la personne qui faisait mal sa prière. Comme nous l'avons vu précédemment, il serrait bien ses genoux avec ses mains, comme s'il s'y accrochait. Il écartait les doigts. Il a ordonné à celui qui faisait mal sa prière en disant « Quand tu t'inclines, mets les paumes de tes mains sur tes genoux, puis écarte les doigts et reste ainsi jusqu'à ce que chaque membre prenne sa position. » D'autre part, le prophète, alayhi salatu wassalam, écartait les coudes. On va voir tout ça en détail, inshallah. Et les éloignait des côtes. Lorsqu'il s'inclinait, il allongeait le dos et le tenait droit. Au point où si on lui avait versé de l'eau sur le dos, elle aurait stagné. Hein? De plus, il a dit à la personne qui faisait mal sa prière, lorsque tu t'inclines, mets les paumes de tes mains sur tes genoux, allonge le dos et reste un certain temps dans cette position. Il ne baissait pas la tête, alayhi salatu wassalam, ni la relevait vers le haut pendant l'inclinaison, mais il la tenait dans une position intermédiaire. Bien, maintenant, on a l'explication en détail de Cheikh Bazmoul, Hafidahullah, de ce chapitre-là, ou de ces deux chapitres-là, concernant le recours, qui est l'inclinaison, et la manière de faire ce recours, c'est-à-dire la manière, la description de l'inclinaison du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'on est toujours dans le cadre de l'explication de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, du premier tekbir jusqu'au teslim. Il dit, Cheikh Bazmoul, « اجتمل هذا الفصل على المسائل التالية. المسألة الأولى. الركوع من أركان الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورة البقرة ويقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين سورة آل عمران ويقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود سورة الحج ويقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والصلاة تكبيرة إحرام وقيام وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وسجود وجلوس بين السجدتين والسلام فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الإنسان إلا به. Donc Cheikh Bazmoul, dans son explication de ce passage ou de ces chapitres concernant l'inclinaison et la description de cette inclinaison et la manière de faire cette inclinaison du prophète عليه الصلاة والسلام, il dit ce chapitre comprend les points suivants. Il cite le premier déjà ici. Premier point, l'inclinaison à recours, il fait partie des piliers de la prière. D'où l'importance de quoi ? De savoir comment le faire correctement. Hein ? La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Warka'u ma'ar raki'in. Surat al-Baqarah, verset 43. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Vous voyez, dans le premier verset, c'était « Warka'u ma'ar raki'in. » Deuxième verset par rapport à Maryam, c'est « Warka'i ma'ar raki'in. » C'est surat Ali Imran, verset 43. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, là, c'est-à-dire la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent. » Comme ça, là. Et se prosterne. Surat al-Hajj, verset 26. Et la traduction du sens de la parole d'Allah, « Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. » Surat al-Hajj, peut-être réussirez-vous. « La'allakum tuflihoun. » Inch'Allah, ici, ce qu'il fait le frère. Surat al-Hajj, verset 77. D'accord ? Je répète les références. Surat al-Baqarah, verset 43. Surat Ali Imran, verset 43. Surat al-Hajj, 26. Et encore la même surat al-Hajj, verset 77. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » Et la prière est faite de la takbiratul ihram. De la position debout aussi, ce qu'on appelle en arabe al-qiyam. Et de qira'at al-fatiha, de la lecture de al-fatiha. De l'inclinaison, ce qui est ruku' wa raf'u minh. Wa damir ya'udu ila ruku'. C'est-à-dire qu'on parle de l'inclinaison, comme ça là. On parle de l'inclinaison et du fait de se relever de cette inclinaison. De la prosternation, ce qu'on appelle sujoud. Et de l'assise entre les deux prosternations, qu'on appelle al-jalsatu bayna as-sajdataini, ainsi que de la salutation qu'on appelle at-taslim. Et on parle ici évidemment de, ou plutôt salam, de la salutation finale. L'inclinaison al-ruku' est donc l'un des piliers de la prière, sans lequel la prière d'un individu ne peut être valide. Deuxième point, tiré de ce chapitre par Cheikh Bazmoul. المسألة الثانية، متى يكون هذا الركوع؟ الجواب: يكون الركوع عقب انتهاء المصلي من القراءة بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وبعد الفاتحة في الرابعة والثالثة إذا لم يقرأ ما تيسر بعدها. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة خفيفة بقدر ما يرجع إليه نفسه، وبعد أن يأخذ النفس يكبر تكبيرة الركوع، فالسكتة التي سكتها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سكتة أخذ النفس، وهذا يدل على أنها سكتة خفيفة، سكتة ليست مشروعة بذاتها، وإنما هكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طبيعة الإنسان بعد القراءة. ولم يثبت حديث في مشروعية سكتات معينة في الصلاة، إنما ذكر العلماء أن الأحاديث دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة خفيفة بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وكانت له سكتة بقدر ما يرتد إليه نفسه بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، قدر هذه السكتات قدر ما يرجع إليه النفس. فلا يشرع بحسب السنة تطويل هذا السكوت، وقد ذكر بعض الفقهاء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، قالوا على الإمام أن يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها سكتة بقدر ما يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا السكوت لم يذكر ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السكتة بعد القراءة قبل الركوع هي سكتة خفيفة ليست بطويلة، ليس كما ذكر بعض الفقهاء بأنها سكتة بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة، إذ لم ينقل ذلك، ولو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لنقل، والمأموم يقرأ سورة الفاتحة في سكتات الإمام، يعني في سكتاته للنفس، ولا محل لأن يقال إنه يشرع للإمام السكوت قدر ما تقرأ سورة الفاتحة في هذا المحل أو ذاك بدون دليل. Donc le deuxième point qu'on tire de ce chapitre, où on se consacre à l'étude de la description de l'inclinaison du prophète عليه الصلاة والسلام, quand a lieu cette inclinaison ? Eh bien la réponse, cette inclinaison se fait après que le prieur ait fini la récitation, c'est-à-dire après avoir lu la Fatiha, et ce qui lui a été facilité de lire d'autres du Coran, et ce dans les deux premières unités de prière. Et après la Fatiha, dans la troisième et la quatrième unité de prière, s'il n'a rien lu d'autre que la Fatiha. Qu'est-ce qu'on comprend ici tout simplement, en d'autres mots ? Eh bien, c'est que le rukou, quand on le fait ? Eh bien, on le fait dans la première et la deuxième raka'a, après qu'on ait lu la Fatiha et qu'on ait lu autre chose après. Et bien après, cela on fait le rukou, d'accord ? Qu'on a fini la récitation du Coran, la lecture du Coran. Et pour la troisième et quatrième raka'a, on l'a fait après la Fatiha. Si on n'a rien lu d'autre après, la Fatiha. C'est aussi simple que ça. Ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il se taisait un court instant après sa récitation. Juste de quoi reprendre le souffle. Et après avoir repris son souffle, il faisait le takbir de l'inclinaison. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a Cheikh Raslan, je vous recommande, Mohamed Saïd Raslan, il a une très belle vidéo, un cours, qui vient d'être fait il y a à peu près deux semaines ou une semaine, sur la description de la prière du prophète, un cours de plus ou moins 1h10, 1h06, et c'est un cours complet sur la description de la prière du prophète, et il parle de ça. Il rapporte un hadith dans Sunan Tirmidhi, qui a été jugé Hassan par Cheikh Shakir, qui est Ahmed Shakir, rahimahullah. Donc revenez à ce cours-là et revenez à la preuve que Cheikh l'a cité vis-à-vis de ça. Donc ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il se taisait un court instant après sa récitation. Juste de quoi reprendre le souffle, et après avoir repris son souffle, il faisait la takbira de l'inclinaison. bien ce silence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un silence pour quoi? Pour reprendre le souffle. Ce qui indique que c'était un silence. Qu'est-ce que vous croyez quand on dit que c'est pour reprendre le souffle? C'est un silence long ou court? Court, c'est un silence léger. Ce silence n'est pas légiféré en lui-même, mais c'est ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est naturel à l'être humain après l'arrestation. Aucun hadith n'a été rapporté de manière authentique sur la législation de silence pendant la prière. Les savants ont uniquement dit que les hadiths indiquent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se taisait un court instant après quoi? Qui s'est me rapporté ça? On a déjà vu au moins l'un d'entre eux, et même deux d'entre eux. Quand on se tait un court instant? Exactement, c'est-à-dire directement après Takbirat l'Ihram. Vous vous rappelez très bien ce qu'il a dit qui? Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Bi abi anta wa ummi. Hein? Qu'est-ce que tu lis dans ton silence quand tu, hein? Est-ce que tu as vu ce silence que tu as? Qu'est-ce que tu lis dans ce silence? Et c'est une preuve qu'on avait dit aussi que tu l'as fait à voix haute, la doua al-istiftah, ou tu l'as fait à voix basse? À voix basse. Il y a un deuxième moment où on se tait. Annie, très, très, très, très légèrement. C'est quand? Hein? Personne? Bien sûr, quand on a fini de lire le Fatiha. Hein? Quand l'imam il a fini de lire le Fatiha, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il reprend son souffle et puis rentre dans la deuxième sourate. C'est juste ou pas? On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Donc je répète cette phrase-là pour que ce soit clair. Aucun hadith n'a été rapporté de manière authentique sur la législation de silence pendant la prière. Les savants ont uniquement dit que les hadiths indiquent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se taisait un court instant après Takbirat l'Ihram, comme on vient de le dire très justement, avant l'arrestation du Coran. C'est-à-dire, il y disait l'invocation de l'ouverture, ce qu'on appelle Dua ou l'Istiftah. Et garder les silences, juste de quoi reprendre son souffle entre l'arrestation de la Fatiha et la sourate qui était récitée après elle. Vous voyez? Juste de quoi reprendre le souffle. Alors maintenant, il y a peut-être des gens qui vont poser la question, qui vont dire, ouais, mais il y a des imams qui laissent un assez long moment où ils se taisent pour que les gens puissent lire la Fatiha. Mais on va voir ce que va dire Cheikh Bouzmoul par rapport à ça. Ces moments de silence étaient juste assez longs pour reprendre le souffle. Il n'est donc pas légiféré, selon la sunna, d'allonger ces silences. Certains jurisconsultes, certains fuqaha, ceux qui ont l'avis qu'il est obligatoire de réciter la Fatiha quand on prie derrière un imam, ils ont dit « L'imam doit se taire entre la lecture de la Fatiha et la sourate qui la suit, de quoi suffire à celui qui prie derrière lui de réciter la Fatiha. » On va voir si c'est correct ou pas. Donc là, vous aurez votre réponse, Inch'Allah. Eh bien, la réponse de Cheikh Bazmoul, elle est claire. Ce silence n'a pas été rapporté dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même, le silence après la lecture et avant l'inclinaison est un silence court, bref, qui n'est pas long, comme ont dit certains jurisconsultes, que c'est un silence de quoi permettre à celui qui prie derrière l'imam de lire la Fatiha. Car ceci n'a pas été rapporté. Et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, cela aurait été rapporté, tout simplement. Celui qui prie derrière l'imam lit la Fatiha pendant les silences de l'imam, c'est-à-dire dans les moments où il se tait pour reprendre son souffle. Et on ne peut pas dire qu'il est légiféré pour l'imam de se taire de quoi permettre de lire la Fatiha à ce moment ou à l'autre sans aucune preuve, sans aucun dalil. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se tait après Takbirat l'Ihram, Allahu Akbar, on se tait. Pourquoi? Dire dua al-istiftah. D'accord? Alors maintenant, question, petit rappel, est-ce qu'on peut lire plusieurs dua al-istiftah en même temps ou est-ce qu'on peut faire que un? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été rapportés, c'est juste ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut en faire un ou plusieurs en même temps? Un. Sahih, Ahsan, un seul. Hein? Est-ce que Cheikh Raslan dit aussi? C'est ce que Cheikh Bazmoul avait dit aussi. D'accord? Et il disait, Cheikh Raslan dit une belle règle, il dit, وَبِالتَّنَوُّعِ يَحْصُلُ الْخُشُوعُ. C'est-à-dire en diversifiant, eh bien, on peut accéder à la concentration, le khushu'. D'accord ? Une petite faïda comme ça en passant. Eh bien, on avait dit quoi, takbirat l'ihram ? On se tape le temps de dire du'a l'istiftah. On est d'accord. On dit un. Tu changes une fois celle-ci, une fois celle-là, du moment que tu fais celles qui ont été rapportées, hein, de manière authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Après, maintenant, il y a un autre moment où on se tait brèvement. C'est quand ? Quand l'imam, il lit le fatiha, il finit. Avant de reprendre la deuxième sourate, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend son souffle. Il y a un autre moment maintenant, c'est quoi ? C'est quand on a fini le fatiha et une autre sourate dans la première et la deuxième rak'at. Dans la troisième et quatrième rak'at, juste après la fatiha, si tu n'as rien lu après la fatiha, tu n'as rien lu après la fatiha, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Juste le coup de reprendre son souffle avant de faire le takbir pour s'incliner, pour faire le ruku'a. Troisième point tiré de ce chapitre. المسألة الثالثة إذا انتهى المأموم من القراءة وأراد الركوع كبر وهذا التكبير يرفع معه اليدين إما أن يرفع اليدين مع قوله الله أكبر استجيخ كمسا الله أكبر pour les gens qui me voient pas qui s'imaginent on va le voir dans un instant sera plus clair inshallah qui s'imaginent que je dis الله أكبر en levant les mains en même temps au même moment الله أكبر comme ça وإما أن يرفع اليدين بعد قوله الله أكبر c'est-à-dire tu dis الله أكبر puis tu lèves les mains hein? Vous imaginez que je dis الله أكبر et après seulement je lève les mains وإما أن يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر et troisième manière de faire c'est quoi bien imagine je le fais devant vous et pour les gens qui m'écoutent qui s'imaginent tu lèves les mains d'abord et puis après tu dis الله أكبر الله أكبر comme ça d'accord فهذه الثلاث أحوال إما أن يكون رفع اليدين مقترنا بالتلفظ بقولها الله أكبر مقترنا بالتلفظ بقولها الله أكبر الثانية أن يكون يقول التكبير ثم بعد ذلك يرفع يديه والثالث أن يرفع يديه ثم يقول بعد ذلك الله أكبر أي ذلك فعل أجزأه وقد ثبت هذا جميعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين في التكبير في الركوع من الأمور المؤكدة في الصلاة وقد ذكر العلماء أن هناك أربعة مواضع يتأكد فيها رفع اليدين الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الموضع الثاني اليدين عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع منها والموضع الرابع عند الرفع من الجلوس لتشهد إلى الركعة الثالثة لما ترفع من الجلوس لتشهد من الركعة الثالثة قالوا هذه الأربعة يتأكد فيها رفع اليدين عند التكبير في فغبورتي une preuve de cela on va d'abord traduire déjà ça comme ça ça fait pas trop long pour les frères francophones. Le troisième point tiré de ce chapitre concernant la description et la manière de faire le recours, lorsque celui qui prie derrière l'imam, al-ma'moum, a fini de lire, de réciter, et qu'il veut s'incliner, il fait le takbir et en même temps que ce takbir, lève les mains. Donc ça c'est la première, ou plutôt il lève les mains. Alors maintenant, on va rapporter les trois manières différentes, d'accord ? Soit qu'il lève les mains en même temps que sa parole Allahu Akbar, soit qu'il lève ses mains après avoir dit Allahu Akbar, soit qu'il lève ses mains d'abord, puis après dise Allahu Akbar. Pour résumer de manière plus facile, pour vous aider à synthétiser ce point-là, hein, on va faire la synthèse, c'est quoi ? En même temps, avant ou après ? C'est-à-dire lever les mains en même temps que de dire Allahu Akbar, le takbir, de lever les mains après avoir dit le takbir, ou de lever les mains avant avoir fait le takbir. Trois différentes situations ou manières, si vous voulez. Soit que les mains soient levées en même temps qu'en disant Allahu Akbar. La deuxième, qu'il dise le takbir, puis après lève ses mains. Et la troisième, qu'il lève ses mains, puis après dise Allahu Akbar. D'accord ? Quelque manière qu'il fasse cela, eh bien cela lui suffit. Pourquoi? Parce que tout a été rapporté, qu'on va le voir maintenant dans un instant, inshallah, c'est que tout a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'il va dire ici, écoutez. Et toutes les manières ont été rapportées de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on rentre ici dans quoi? Dans tadad ou tanawwa? On rentre, en français peut-être, est-ce qu'on rentre, c'est une règle qui doit être connue maintenant, est-ce qu'on rentre dans la divergence d'opposition ou dans la divergence de diversification? C'est-à-dire qu'il y a ou l'un ou l'autre, ou bien on peut faire les trois. Diversification, c'est juste, on peut faire les trois, mais pas en même temps évidemment. Hein? On diversifie, d'accord? Hein? Puis il rapporte un point important aussi, il dit, lever les mains lors du takbir, de l'inclinaison, fait partie des choses qu'on appelle mu'akkada. On peut traduire ça de manière littérale, sur lesquelles il y a une notion d'insistance dans la prière. Les savants ont rapporté qu'il y a quatre endroits où il y a ce fait que c'est mu'akkad, où il y a une insistance sur le fait de lever les mains, c'est-à-dire que c'est mu'akkad de lever les mains, eh bien il y a quatre endroits. Ce que le savant rapporte. Le premier endroit où c'est mu'akkad de lever les mains, raf' al-yadayn. Eh bien, c'est lors de takbirat al-ihram. Ça, on a déjà vu. Question. Je vous teste là, parce que ça fait longtemps qu'on a vu ça, mais si je fais takbirat al-ihram, mais que je ne lève pas mes mains, est-ce que ma salah, elle est correcte ou pas? C'est-à-dire, dans le sens, elle est valide ou pas? Ou bien j'ai délaissé un pilier? Qui dit qu'elle est valide, qui dit qu'elle n'est pas valide? Levez les mains celui qui dit qu'elle n'est pas valide. Personne. C'est un bon signe, alhamdoulilah. Ah. Ouais? Écoute bien ma phrase. Hein. Si tu dis takbirat al-ihram, tu dis Allahu Akbar, mais tu ne lèves pas tes mains, ta salah, elle est ok ou elle n'est pas ok? Dans ce sens, elle est acceptée. C'est, hein? Naam, ça y est, donc on est d'accord. Hein? Vous suivez ou pas? Donc c'est quoi le pilier? C'est takbir al-ihram en tant que tel ou bien c'est raf' al-yadayn? Ça va, ouais. Hein? Ça va. Non, ça va, alhamdoulilah. Donc je répète, c'est mu'akkad de lever les mains à quatre endroits. Le premier, lors de takbirat al-ihram. Le deuxième, ben c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis le début ici? Ah, du ruku', hein? Lors de l'inclinaison. Le troisième, bah oui, raf' min ar-ruku', c'est quand tu te relèves de cette inclinaison. Et bien le quatrième, lorsque tu te lèves de la position assise pour le tashahhud. C'est-à-dire, quand tu es assis pour le tashahhud, et bien quand tu te lèves pour faire la troisième unité de prière. D'accord? Ils ont dit, il y a une insistance sur le fait de lever ses mains lors du takbir à ces quatre endroits. Et pour les frères qui veulent plus de détails, sur comment lever les mains après le tashahhud, est-ce qu'on est assis ou debout, ça va venir, inshallah, dans les chapitres suivants. Pour celui qui est déjà curieux, qui a l'arabe, il peut déjà aller voir lui-même dans le livre. Et bien maintenant, il va rapporter un dalil, évidemment. Il dit, « فَقَدْ جَاءَ فِيهَا عَنْ نَافِعَ أَنَّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ولا يرفعهما بين السجدتين أخرج البخاري في كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين فإذا كبر ركع يعني حنى ظهره ووضع يديه على ركبتيه. Et avec cela, on a fini ce troisième point. Mais c'est quoi la preuve que cite Cheikh Bazmoul, hafidahullahu ta'ala, qu'elle récompense par le Firdaus A'la pour cet immense travail qu'il a fait? Eh bien, c'est qu'il a dit, il a été rapporté de Nafi' qu'il a dit que Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'il entrait en prière, écoutez bien, il faisait le takbir et levait ses mains. Ah, c'est la preuve. Et lorsqu'il s'inclinait, levait ses mains. Le deuxième endroit, il est là. Et lorsqu'il disait « Sami Allah liman hamida », il levait ses mains. C'est quand qu'on dit « Sami Allah liman hamida » ? Quand on se relève du ruku'. Et lorsqu'il se levait après les deux premières unités de prière, c'est ce qu'on a dit. Quand tu t'es assis pour le tashahhud et que tu te relèves, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lèves tes mains. Donc, il levait ses mains. Et Ibn Omar a rapporté cela du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Ibn Omar, Nafi', écoutez bien, c'est un peu dans le hadith ici. Nafi', il a rapporté d'Ibn Omar qu'il faisait ça. Et Ibn Omar, rafa'ahu ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a attaché cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens où il a rapporté que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait cela. D'accord ? C'est ça la preuve. Et c'est un hadith qui a été rapporté. Pardon, je rapporte l'autre version d'abord. Et dans une autre version, et il ne les levait pas, on parle des deux mains ici, entre les deux prosternations. Rapporté par Al-Bukhari, livre de la prière, chapitre du lever des mains, ou lever les mains, lorsqu'il se relève après les deux premières unités de prière. Et c'est le hadith numéro 739, pardon, dans Sahih Bukhari, 739. Il a été rapporté également par un musulman, c'est donc ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayh, dans son authentique aussi, livre de la prière, Kitab Salah, chapitre, écoutez bien le titre, chapitre de la recommandation de lever les mains. Ça ne rejoint pas ce qu'on vient de dire ? Hein ? Si. À la hauteur des épaules. Hadith numéro 390. Lorsqu'il fait le takbir, il s'incline, c'est-à-dire qu'il penche son dos et place ses mains sur ses genoux. On va le voir dans un instant, Inch'Allah, comment le faire. C'est-à-dire comment placer les mains sur les genoux. Quatrième point. Ma hiya sifatu ruku'. On parle évidemment ici du quatrième point tiré du chapitre sur la description du ruku' du prophète, c'est-à-dire la manière de faire cette inclinaison, ruku'. Ma hiya sifatu ruku'. Sifatu ruku' an yahniya dhahrahu wa yada'a yadayhi ala rukbatihi. Ici, je pense qu'il y a un ya qui manque, c'est ala rukbatayhi. Parce que tu ne peux pas mettre tes deux mains sur le même genou. Hein? En tout cas, pour les frères qui ont la même édition que moi, d'ailleurs, il y a quelques petites fautes ici. Dar Tawhid et Dar Istiqama. Donc c'est ala rukbati. Wa yakunu adh-dhahru mustawiyan bihaythu law anna insanan ata bis-sahn muqa'ar wa wada'ahu ala adh-dhahr lastaqarr. Fa hadha yadullu anna adh-dhahr mustawin wa qad dhakara al-musannif. Et vous enlevez s'il vous plaît, sallallahu alayhi wa sallam. C'est rahimahullah qu'il faut marquer. Parce qu'on parle de l'auteur qui est Cheikh Al-Albani, pas du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est une faute de frappe, c'est une faute d'édition. فيما أورده من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر لأن الظهر يكون على الاستواء ليس بمنحن أما الرأس والرقبة فلا يصوب الرأس يعني لا يحنيه إلى الأسفل ولا يقنع يعني لا يرفعه أعلى من مستوى الظهر ويجعل الرأس والرقبة بمستوى الظهر بمستوى الظهر والثابت كما ذكر المصنف رحمه الله يفوز في صلى الله عليه وسلم يسيوسي في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه لا على الفخذين فوق الركبتين ولا على الساق أسفل الركبتين ويفرق بين أصابعه ويشد بيديه على ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه. Alors qu'est-ce que Cheikh Bazmoul nous rapporte dans ce quatrième point ici tiré de ce chapitre sur la manière de faire l'inclinaison, ruku'? Eh bien, il dit justement, il pose une question, comment fait-on cette inclinaison? Il répond directement en disant, la manière de faire cette inclinaison, c'est de pencher, de baisser le dos et de mettre les mains sur les genoux et que le dos soit droit, de manière que si quelqu'un venait avec un plat concave, hein, vous savez ce que ça veut dire concave, hein? C'est-à-dire pas plat, d'accord? Et le placer sur le dos, il tiendrait en place. Hein? Ceci indique que le dos est droit. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité parmi les hadiths que le messager d'Allah, lorsqu'il s'inclinait, aplatissait le dos. de manière à ce que même si on y versait quoi ? De l'eau, elle tiendrait en place, elle stagnerait. Car le dos est droit, pas penché. Droit. Tandis que la tête et le cou, on ne penche pas la tête, c'est-à-dire que l'on ne penche pas vers le bas. Des fois, il y a des frères qui vont le rouleau, hein, ils vont aller jusqu'à pencher la tête. Il dit, on ne la penche pas vers le bas et on ne la lève pas par rapport au niveau du dos. Donc, si vous voulez, elle est dans l'alignement exactement du dos. D'accord ? On met la tête, et c'est exactement ce que le cheikh a dit, il va dire ce que tu as dit, on met la tête et le cou au niveau du dos. Hein? Et ce qui a été rapporté de manière authentique, comme l'a rapporté l'auteur, rahimahullah, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plaçait ses paumes sur ses genoux. Hein? Et non pas sur les cuisses au-dessus des genoux. Ça, c'est une erreur que certains peuvent faire. Et non pas sur les tibias plus bas que les genoux aussi. Ça, c'est une erreur que des fois, on va aussi faire. Et d'écarter les doigts et de tenir les genoux avec les mains comme si on s'accrochait, comme si on les tenait. D'accord ? Comme si on attrapait les genoux avec les mains. Donc, pour les gens qui ne me voient pas, mais qu'ils s'imaginent qu'on est en recours, en direction de la Qibla, évidemment. Moi, je suis dans le sens inverse ici. Hein? Mais imaginez-vous qu'on est dans le sens de la Qibla. En recours, le dos, comment il est ? Droit, plat. À tel point que si on y versait de l'eau, elle stagnerait. La tête, elle est en haut ? Non, elle est en bas ? Non, elle est quoi ? La tête et le cou sont sur l'alignement du dos, bien droit. D'accord ? Et on va voir qu'il y a des descriptions qui vont arriver, que la comparaison est faite entre cette manière de faire le recours et l'arc et la corde. Hein ? Ou plutôt par rapport aux bras. Parce qu'on va voir les bras aussi, où est-ce qu'on doit les mettre après. Donc maintenant, ici, je ne parle que des mains. D'accord ? Donc on a fait ce recours, on est droit. Et où est-ce qu'on met en place les mains ? Eh bien, sur les genoux. Hein ? Les doigts écartés, comme si on attrapait les genoux. D'accord ? Comme si on s'accrochait. Hein? Le cinquième point tiré de ce chapitre concernant la manière de faire l'inclinaison, rukou. La mas'alatu al-khamisa, at-tma'ninatu fi rukou. Wa hadha ma'na hadith ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, idha raka'ta fada' rahatayka 'ala rukbatayka, thumma farrij bayna asabi'ika. ثم امكث حتى ياخذ كل عضو ما اخذه. حتى ياخذ كل عضو ما اخذه. On a vu quoi ici dans le cinquième point? Eh bien, c'est l'apaisement dans l'inclinaison. Et à la fin, je vais citer une petite phrase que Cheikh Bazmouli dit. Vous allez voir qu'en fait ici, inchallah, ou plutôt qu'ici, on en parle que de manière succincte. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Vous allez dire, il y a une contradiction dans ce que tu dis. Ben non, parce que justement, cher l'Albani, qu'est-ce qu'il va faire le chapitre suivant ? Il va se consacrer un chapitre entier à l'apaisement dans le rukou. Donc l'apaisement dans l'inclinaison, et cela est le sens du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu t'inclines, place tes paumes sur tes genoux, puis écarte les doigts, et reste ainsi jusqu'à ce que chaque membre prenne sa position. L'itmi'nan dans le rukou. L'apaisement, hein, l'immobilité, la tranquillité. Sixième point tiré de ce chapitre. Et ce sera le dernier, incha'Allah. Al-mas'alatu s-sadisatu. Excusez-moi. Laysa min as-sunnati fi rukou. أن تلصق اليدين من جهة الزند من فوق المرفق وأن تلصقها ببطنك وبصدرك ولكن السنة أن تبعد يديك عن بدنك وهذا معنى ما جاء في صفة صلاته في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه أي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يلصق يديه بجنبيه بل كان ينحيهما عن جنبيه وهذه الرواية تقتضي أن يجعل اليد كالوتر في القوس. C'est quoi le water? On a déjà vu ce mot-là. C'est la corde de l'arc. في القوس، القوس سي سي لارك لو ميم. فيكون الجسم كالقوس واليد كالوتر، وقد جاء في ذلك الوصف في بعض الروايات. يريد إذا ركع أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب والجسد. Puis on va voir la preuve de cela, Inch'Allah. Sixième point. La sunna n'est pas lors de l'inclinaison que tu colles tes mains du côté du cubitus au-dessus des coudes. Alors, c'est quoi le cubitus, hein? On va faire l'anatomie ici. Hein, comme ça. Eh bien, le cubitus, c'est le plus gros des deux os de l'avant-bras, hein, qui s'articule avec l'humérus qui est le coude en fait. Hein? D'accord? Mais ça veut dire quoi? C'est que tu ne mettes pas tout simplement tes... Dans le recours, tu ne mettes pas tes mains le long de tes côtes ou contre ta poitrine. C'est que tu les écartes. D'accord? Donc la sunna, ce n'est pas que tu les colles à ton ventre ou à ton torse. Mais la sunna, c'est d'écarter les bras, les mains du corps. Et c'est cela le sens de ce qui a été rapporté dans la description de la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il écartait les coudes et les éloignait des côtes. C'est-à-dire qu'il ne collait pas ses bras à ses côtes, alayhi salatu wassalam, mais les éloignait de ses côtes. Hein? Cette version implique de mettre la main comme la corde d'un arc. Le corps est alors l'arc et la main, ou plutôt le bras, est comme la corde. Parce que moi, j'ai la poitrine droite ici, mais imaginez-vous quelqu'un qui est en recours. Hein, qui est en recours comme ça. Regardez la position de son corps et regardez la position des bras. Hmm? Ah, je vois des têtes qui bougent dans le bon sens, ça veut dire que vous visualisez un peu. On est d'accord. Hein? Bien, il y en a par contre qui ne visualisent pas. Quand tu seras en recours, tu penseras, Inch'Allah, d'accord? Il rapporte une preuve. عن عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه أخرج الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع والدارمي في الصلاة باب التجافي في الركوع قال الترمذي حديث أبي حميد حديث حسن صحيح انتهى كلام الترمذي وقال وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود انتهى كلامه رحمه الله بشغل ترمين en disant هذه المسائل هي المتعلقة بالفقرة السابقة وتبقى مسألة مهمة في الركوع وهي ما حكم الاطمئنان في الركوع أقول هذه المسألة لها أهميتها رغم أنها وردت في الكلام السابق إلا أن المصنف عاد وعقد لها فقرة خاصة كما في المتن. C'est-à-dire, si vous avez le livre devant vous, vous regardez le chapitre qui est là, c'est quoi? L'obligation de l'apaisement ou de l'immobilité, si vous voulez, dans l'inclinaison. Donc ce sixième point, on le termine en rapportant le dalil sur le fait d'écarter les bras du corps dans l'inclinaison. Eh bien, d'après Abbas ibn Sahl ibn Sa'd, qu'il a dit, eh bien, se sont regroupés qui? Abu Humaid et Abu Usaydin et Sahl ibn Sa'd et Muhammad ibn Maslama. Ils ont parlé de la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les salafs quand ils s'asseyaient, de quoi ils parlaient. Et nous, où est-ce qu'on est par rapport à ça? Abu Humaid dit alors, je suis le plus savant d'entre vous de la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah s'est incliné et a placé ses mains sur ses genoux comme s'il les tenait. Hein, il s'y accrochait. Et wattara de ses mains. C'est quoi Ouattara? Je dis c'est quoi le Ouattar? L'arc d'une corde, c'est le fait de munir l'arc d'une corde si vous voulez. Hein? Et les a éloignés de ses côtés. Rapporté par At-Tirmidhi, livre de la prière, évidemment en Sunan, chapitre de ce qui a été rapporté qu'il écartait alayhi salatu wassalam ses bras de ses côtés dans l'inclinaison. Il y a le chapitre comment? At-Tarjama est clair. Hadith numéro 1306. At-Tirmidhi l'a dit, ce hadith est, ou bien le hadith d'Abu Humayd, est un hadith hasanun sahih. C'est un istilah, un vocabulaire très connu dans le jargon du hadith chez l'imam Tirmidhi. Fin de citation. Et il a dit aussi, et c'est ce que les gens de science ont choisi, que l'homme écarte ses bras de ses côtes dans l'inclinaison et la prosternation. Fin de citation. Cheikh Bazmoul termine en disant, c'était donc les points liés au chapitre précédent. Reste une chose importante maintenant dans l'inclinaison, qui est, quel est le jugement concernant l'apaisement dans l'inclinaison? Je dis, c'est un point, une affaire qui a son importance, même si on en a déjà parlé dans ce qui a précédé. Mais l'auteur en a reparlé, en reparle et consacre dans son livre un chapitre à part entière. Et la réponse, elle est déjà dans le chapitre. Wujubu al-itmi'nani fi ar-ruku' wa at-tma'ninati fi ar-ruku'. D'accord? On a terminé là-dessus. Wa jazakumullahu khairan d'être venu aujourd'hui. Hein? Et désolé, Annie, pour les petites annulations de cours qu'on a eues. Depuis la Daura, j'ai eu beaucoup de travail. On est en fin d'année, vous savez que je suis enseignant, etc. Et les frères qui travaillent avec moi ici, ils savent la charge de travail que j'ai sur moi, plus la Daura, etc. Et également des problèmes de santé. Je vous demande juste de faire du'a pour moi au niveau de ma santé. Wa jazakum Allahu khairan. Wallahu a'lam wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.